Are you ready, Marines? Sir, yes, sir! I can't hear you. Sir, yes, sir! Oh! Il est bibé à bord, au fond du désert. Saddam Hussein! Un dictateur est fier de l'être. Saddam Hussein! Si vous avez un souhait, il va vous torturer. Saddam Hussein! Qui n'a pas peur du gros méchant Ricket? Saddam Hussein! Saddam Hussein! Saddam Hussein!